Une nouvelle ère. La trêve d'Al-Hudaybiyya marqua le début d'une nouvelle phase dans le processus de l'action islamique et dans la vie des musulmans. En se retirant ainsi de l'arène guerrière, la tribu de Quraysh, ennemi juré de l'islam, porta un coup fatal à la coalition tripartite nouée contre l'islam, composée de Quraysh, Ratafan et les Juifs. En outre, les Quraychites ayant toujours été fermement opposés à l'action islamique et s'étant révélés être les porte-drapeaux les plus acharnés du paganisme en Arabie, leur défection s'accompagna d'un affaiblissement considérable des sentiments agressifs des autres païens à l'encontre des musulmans. La tribu de Ratafan ne représentait plus qu'une menace marginale, et ses provocations ne furent plus spontanées, mais uniquement provoquées par les manœuvres des Juifs. Les Juifs, après leur bannissement de Médine, s'étaient réfugiés à Khaybar, dont ils firent une arrière-base leur permettant de fomenter des intrigues à l'encontre du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils complotèrent et attisèrent les feux de la discorde, s'efforçant de séduire les Bédouins vivant à proximité de Médine pour qu'ils se joignent à eux dans leur projet d'anéantissement du nouvel État islamique, ou du moins pour qu'ils infligent aux musulmans des pertes sévères. Le prophète alayhi salatu wassalam, conscient de ces complots diaboliques, jugea prioritaire d'entreprendre une guerre contre ces juifs dès que le traité d'Al-Hudaybiyya fut conclu. Cette trêve permit aux musulmans d'augmenter de manière notable leurs efforts de propagation de l'islam, la prédication prenant le pas sur les activités militaires. C'est pourquoi avons-nous jugé impératif de segmenter la phase postérieure au traité d'Al-Hudaybiyya en deux volets. Premièrement, les efforts pacifiques de propagation de l'islam, ou pour être plus précis, les ambassades envoyées aux rois et princes. Deuxièmement, les activités militaires. Ambassades auprès des rois et des princes. Vers la fin de la sixième année de l'Hégire, à son retour d'Al-Hudaybiyya, le prophète alayhi salatu wassalam décida d'envoyer des missives aux souverains des royaumes environnant l'Arabie afin de les appeler à embrasser l'islam. Afin d'authentifier ces lettres, un sceau en argent fut réalisé dans lequel la formule suivante était gravée « Muhammad, le messager d'Allah ». Les émissaires porteurs de ces messages furent choisis sur la base de leur expérience et de leurs connaissances. Ils partirent, selon Al-Mansur Furi, effectuer leur mission au mois de Muharram de la septième année de l'Hégire, quelques jours avant le début de l'expédition de Khaybar. L'envoi d'une délégation en Abyssinie. Le Négus, souverain de l'Abyssinie et dont le véritable nom était Ashama ibn al-Abjar, reçut la missive du prophète alayhi salatu wassalam des mains de Amr ibn Umayya ad-Damri, soit à la fin de la sixième année de l'Hégire, soit au début de l'année suivante. Al-Bayhaqi, d'après Ibn Ishaq, a donné la version suivante de la lettre du prophète sallallahu alayhi wasallam adressée au Négus. De Muhammad, le prophète, au Négus d'Al-Asham, souverain d'Abyssinie. Que la paix soit sur celui qui suit la direction et qui croit en Allah et en son messager. Je témoigne que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah sans associé, il ne s'est jamais attribué ni compagne ni enfant et que Muhammad est son serviteur et messager. Je vous invite à embrasser l'islam. Je suis l'envoyé d'Allah, acceptez l'islam et vous serez sauf. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Dis, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne nous prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Puis s'ils tournent le dos, dites, soyez témoins que nous, nous sommes soumis, musulmans. Sourate 3, verset 64, selon le sens des versets. Si vous refusez, alors vous serez tenus pour responsables de tous les méfaits commis par les chrétiens de votre peuple. Lorsque Amr ibn Umayya ad-Damri communiqua la lettre du prophète alayhi salatu wassalam au Négus, ce dernier prit le parchemin, l'examina attentivement et quittant son trône, il s'assit par terre, prononça l'attestation de foi devant Ja'far ibn Abi Talib et rédigea la réponse suivante à l'attention du prophète alayhi salatu wassalam. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Du Négus Ashama à Muhammad, le messager d'Allah. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah, en dehors de qui il n'est pas de divinité, digne d'adoration, soient sur vous, ô prophète d'Allah. J'ai bien reçu votre lettre dans laquelle vous avez parlé de Jésus. Par le Seigneur des cieux et de la terre, Jésus n'est rien de plus que ce que vous avez exprimé. Nous reconnaissons ce qui vous a été révélé et nous donnons l'hospitalité à votre cousin et à ses compagnons. J'atteste en toute sincérité que vous êtes le messager d'Allah. Je vous fais allégeance par le biais de votre cousin devant qui je me suis soumis au Seigneur des univers. Le prophète alayhi salatu wassalam avait demandé au Négus de laisser partir Ja'far et ses compagnons, et ainsi ceux-ci rentrèrent-ils avec Amr ibn Umayya ad-Damri en Arabie. Ils rejoignirent le prophète alayhi salatu wassalam à Khaybar en l'an 7 de l'Hégire. Le Négus mourut au mois de Rajab de l'an 9 de l'Hégire, peu après la bataille de Tabouk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonça sa mort et effectua la prière de l'absent en sa faveur. Un autre souverain succéda au Négus et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fit également parvenir une lettre, mais on ne sait s'il a ou non accepté l'islam. La lettre adressée au roi d'Égypte, Al-Muqawqas. Le prophète alayhi salatu wassalam fit rédiger une missive pour Jurayj ibn Mata, appelé Al-Muqawqas, qui était le roi d'Égypte et d'Alexandrie, en disant « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. De Muhammad, le serviteur d'Allah et son messager, à Al-Muqawqas, grand chef des Coptes. Que la paix soit sur celui qui suit la direction. Je t'invite à embrasser l'islam. Deviens musulman, tu seras sauf et Allah t'accordera une double récompense. Mais si tu refuses, tu supporteras le fardeau des péchés commis par tous les Coptes. Dis, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. Que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer et que nous ne nous prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Puis s'il tourne le dos, dites, soyez témoins que nous, nous sommes soumis. » Hatib ibn Abil Balta'a, qui avait été choisi pour porter cette lettre, fut introduit auprès d'Al-Muqawqas à qui il adressa les propos suivants. « Il y eut avant vous un homme, Pharaon, qui s'était arrogé les prérogatives du Seigneur le Très-Haut. Aussi Allah l'a -t-il puni et en a fait un exemple aussi bien dans l'au-delà que dans cette vie. Tirez-en donc une leçon et ne suivez pas son exemple. » Al-Muqawqas répondit « Nous n'abandonnerons notre religion que pour une religion meilleure. » Hatib reprit « Nous vous invitons à embrasser l'islam qui compensera largement ce que vous pourriez perdre. Notre prophète a appelé les gens à professer cette religion et Quraysh ainsi que les juifs se sont dressés contre lui en faisant preuve d'une hargne inégalée, tandis que les chrétiens se sont montrés sensibles à son prêche. Moïse a annoncé la venue de Jésus tout comme ce dernier a annoncé celle de Muhammad. Nous vous invitons à accepter le Coran tout comme vous appeliez les gens de la Torah à l'Évangile. Lorsqu'un prophète apparaît dans une communauté, celle-ci doit le suivre. Or, vous êtes du nombre des gens à qui est parvenu le message de ce prophète, Muhammad. Nous ne vous demandons pas de vous détourner de la religion de Jésus, mais au contraire, de vous montrer fidèle à ses principes. » Al-Muqawqas dit alors « J'ai examiné l'affaire de ce prophète et j'ai constaté qu'il n'ordonne pas ce dont les gens s'abstiennent naturellement et n'interdit pas ce que ceux-ci désirent instinctivement. Il n'est ni un magicien égaré, ni un devin menteur. Il porte tous les signes manifestes de la prophétie, il divulgue ce qu'il y a de plus caché et ce qui se dit dans les réunions secrètes. Je vais réfléchir à votre proposition. » Il prit le parchemin et ordonna qu'il soit conservé à l'intérieur d'un coffret en ivoire. Il fit ensuite venir un scribe afin de rédiger en arabe la réponse suivante. « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. » D'Al-Muqawqas, grand chef des Coptes, à Muhammad ibn Abdillah. Que la paix soit sur vous. J'ai lu votre lettre et j'ai compris son contenu, notamment l'objet de votre appel. Je savais qu'un prophète devait être suscité, mais je pensais qu'il apparaîtrait en Syrie. J'ai rendu hommage à votre messager et je vous envoie deux jeunes femmes qui sont de famille copte noble, ainsi que des vêtements et une mule comme monture. Que la paix soit sur vous. » Al-Muqawqas n'embrassa pourtant pas l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam accepta les cadeaux et il fit de Mariya sa concubine, qui donna naissance par la suite à son fils Ibrahim. La seconde jeune femme, Sirin, fut donnée à Hassan ibn Thabit al-Ansari. La mule, du nom de Duldul, survécut jusqu'au temps de Muawiya, c'est-à-dire le premier calife Omeyyade. La lettre adressée à l'empereur de Perse, Kisra, Khosroès. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. De Muhammad, le messager d'Allah, à Khosroès, grand chef des Perses. Que la paix soit sur celui qui est bien guidé, qui croit en Allah et en son envoyé. J'atteste que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique et sans associé, et que Muhammad est son serviteur et messager. Je vous invite à accepter la religion d'Allah, car j'ai été envoyé pour tous les êtres humains, afin d'avertir celui qui est vivant, et que la parole s'avère contre les mécréants. Soumettez-vous à Allah, vous serez saufs, sinon vous serez tenu responsable pour tous les péchés commis par les mages. Cette lettre fut portée par Abdullah ibn Hudhafa al-Sahmi au grand chef de Bahreïn. Mais nous ne savons pas si ce dernier envoya ensuite l'un de ses hommes ou Abdullah lui-même portait le message à Khosroès. Toujours est-il que lorsque Khosroès lut la lettre, il la déchira en disant « Comment un vil esclave, qui est un de mes sujets, ose-t-il précéder mon nom du sien ?» Il ordonna à son gouverneur au Yémen d'envoyer deux hommes pour lui amener le prophète alayhi salatu wassalam. Le gouverneur du Yémen, un certain Badhan, fit ce que Khosroès lui demanda. Dès que les deux hommes de Badhan furent parvenus à destination, le prophète alayhi salatu wassalam prit connaissance grâce à une révélation divine de l'assassinat de l'empereur de Perse par son fils Siroès. Le prophète alayhi salatu wassalam leur dévoila cette nouvelle et ils en furent abasourdis. Il continua en leur demandant de dire au gouverneur du Yémen que l'islam et l'autorité des musulmans s'étendraient sur l'empire perse et que s'ils devenaient musulmans, ils seraient maintenus dans ses fonctions. Les deux hommes revinrent en toute hâte auprès de Badhan et lui firent part de ce qu'ils avaient appris. Entre-temps, Siroès, le nouvel empereur de Perse, envoya une lettre à Badhan confirmant la nouvelle et lui enjoignant de ne rien entreprendre contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nouvel ordre. C'est ainsi que Badhan, de même que les Perses du Yémen, se convertirent à l'islam. La lettre à César. Al-Bukhari a mentionné dans un long récit le contenu de la lettre envoyée par le prophète alayhi salatu wassalam à Héraclius. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. De Muhammad, le serviteur d'Allah et son messager, à Héraclius, grand chef des Byzantins. Que la paix soit sur quiconque suit la direction. Je t'appelle à l'islam. Soumets-toi à Allah, tu seras sauf et tu auras une double récompense. Mais si tu tournes le dos, alors tu seras responsable des péchés de ton peuple. Dis, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. Que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer et que nous ne nous prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Puis s'il tourne le dos, dites, soyez témoins que nous, nous sommes soumis. Dihya ibn Khalifa al-Kalbi reçut l'ordre de porter la missive au roi de Boussra en Syrie qui, à son tour, devait la remettre à César. Abu Sufyan ibn Harb, qui à cette époque n'était pas encore devenu musulman, fut convoqué à la cour royale. Et Héraclius lui posa de nombreuses questions à propos du prophète alayhi salatu wassalam et de la religion qu'il prêchait. Al-Bukhari a mentionné, d'après Ibn Abbas, qu'Héraclius fit venir Abu Sufyan et ses compagnons qui commerçaient à ce moment-là en Syrie. Cet épisode eut lieu après la conclusion de la trêve entre les polythéistes de Quraysh et le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Héraclius, assis parmi les grands de son royaume, demanda « Lequel d'entre vous est le parent le plus proche de l'homme qui prétend être un prophète ?» Abu Sufyan a dit « Je répondis, c'est-à-dire Abu Sufyan, dans ce groupe, c'est moi son plus proche parent. » Alors ils me firent asseoir devant lui, Héraclius, et ils firent asseoir mes compagnons derrière moi. Puis il appela son interprète et lui dit « Dis-leur, c'est-à-dire aux compagnons d'Abu Sufyan, que je vais lui demander des détails à propos de cet homme qui prétend être un prophète. Ainsi, s'il ment, ils devront le contredire tout de suite. Par Allah, si je n'avais pas eu honte que mes compagnons me considèrent comme un menteur, j'aurais effectivement dit des mensonges, avoua plus tard Abu Sufyan. » Le témoignage de ce dernier continua comme suit. La première question qui me fut posée fut la suivante. « Quel rang sa famille occupe-t-elle parmi vous ? » Elle jouit d'une grande considération. Quelqu'un parmi vous a-t-il déjà tenu avec lui de semblables propos? Non. Quelqu'un de ses ancêtres a-t-il régné? Non. Ses partisans se recrutent-ils dans les hautes classes ou parmi les humbles de votre société? Parmi les humbles. Leur nombre augmente-t-il ou va-t-il en décroissant? Il augmente. En est-il parmi eux qui, après avoir adopté sa religion, la prennent en aversion et apostasie? Non. Le soupçonniez-vous de mensonge avant qu'il ne tînt les discours qu'il tient aujourd'hui? Non. Trahit-il ses engagements? Non. Mais nous avons conclu une trêve avec lui en ce moment et nous ignorons comment il se conduira au cours de cette trêve. Cette réponse, ajouta Abou Sofian, fut la seule dans laquelle je pus glisser une insinuation contre Mohammed. Avez-vous été en guerre contre lui? Oui. Quelle a été l'issue des combats livrés? La guerre entre nous a eu des alternatives. Tantôt c'est lui qui l'a emporté sur nous, tantôt c'est nous qui l'avons emporté sur lui. Et que vous ordonne-t-il donc? Il nous dit de n'adorer qu'Allah seul, de ne rien lui associer et de renoncer aux croyances de nos pères. Il nous ordonne de prier, d'être de bonne foi, d'avoir des mœurs pures et de respecter nos liens de parenté. Alors Héraclius chargea son interprète de dire à Abou Sofian « Je t'ai interrogé sur sa famille et tu m'as répondu qu'il était de bonne naissance. Or les envoyés d'Allah ont toujours été choisis parmi les plus nobles du peuple chez lequel ils devaient remplir leur mission. Je t'ai demandé si quelqu'un parmi vous avait tenu semblable discours et tu m'as répondu que non. Alors en moi-même, j'ai pensé que si tel avait été le cas, cela me pousserait à croire que cet homme aspire au trône de ses aïeuls. Je t'ai demandé si, avant qu'il vous tînt ses discours, vous le soupçonniez d'être un menteur et tu m'as répondu que non. J'ai compris par là que s'il n'était pas homme à mentir à l'égard de ses semblables, il ne pouvait mentir à l'égard d'Allah. Je t'ai demandé si ses partisans se recrutaient parmi les grands ou parmi les humbles, et tu m'as répondu que c'était parmi les humbles. Or, c'est toujours eux qui forment les partisans des prophètes. Je t'ai demandé si le nombre de ses partisans augmentait ou s'il diminuait, et tu m'as répondu qu'il allait en augmentant. Or c'est bien là le propre de la foi de croître jusqu'à son complet développement. Je t'ai demandé si quelques-uns d'entre eux, après avoir embrassé la foi, s'en détournèrent avec horreur et la renièrent, et tu m'as répondu que non. Et c'est bien ainsi qu'agit la foi quand sa grâce pénètre les cœurs. Je t'ai demandé si cet homme manquait à ses engagements, et tu m'as répondu que non. Il en est ainsi des prophètes, ils ne trahissent point. Je t'ai demandé ce qu'il vous ordonnait et tu m'as répondu qu'il vous ordonnait d'adorer Allah, de ne rien lui associer, qu'il vous défendait d'adorer les idoles, qu'il vous prescrivait la prière, la sincérité et la pureté des mœurs. Si ce que tu dis est donc vrai, cet homme conquerra cet endroit même que foulent mes deux pieds. Je savais d'ailleurs que cet homme allait bientôt paraître, mais je ne supposais pas qu'il s'agirait de l'un d'entre vous. Quant à moi, si je pouvais parvenir jusqu'à lui, je m'efforcerai par tous les moyens d'aller le retrouver, et dès que je serai auprès de lui, je laverai ses pieds. » Héraclius donna ensuite l'ordre d'apporter la lettre du prophète, alayhi salatu wassalam, et la lut. Lorsqu'il eut fini, un grand tumulte se produisit dans son entourage et des cris violents retentirent. On nous fit alors sortir, et pendant que nous nous en allions, je dis à mes compagnons, « Il faut que les affaires du fils d'Abou Kab Shah, surnom moqueur qu'il donnait au prophète, alayhi salatu wassalam, et pris de l'importance pour que même le prince des Byzantins le redoute. Et depuis, je demeurai convaincu du succès de la mission de l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, jusqu'au jour où Allah m'imprégna de l'islam. » L'émissaire musulman retourna à Médine avec les présents du souverain byzantin. Sur le chemin du retour, il fut capturé par des gens de la tribu de Judham à Hasma qui s'emparèrent des cadeaux d'Héraclius. Zayd ibn Haritha, à la tête de 500 hommes, fut dépêché vers cette localité. Il infligea des pertes sévères à l'ennemi et captura une centaine de femmes et d'enfants ainsi que 1000 chameaux et 5000 moutons. L'un des chefs des Judham, Zayd ibn Rifa'a, qui avait embrassé l'islam, se plaignit auprès du prophète alayhi salatu wassalam, faisant valoir que quelques hommes de son peuple ainsi que lui-même avaient volé au secours de Dihya al-Kalbi. Le prophète sallallahu alayhi wasallam ordonna alors la restitution du butin et des captifs. La lettre adressée au gouverneur de Bahreïn, Al-Mundhir ibn Sawi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, envoya Al-Ala ibn al-Hadrami chez le gouverneur de Bahreïn lui porter une lettre l'invitant à devenir musulman. En réponse, Al-Mundhir ibn Sa'wi rédigea la lettre suivante. Messager d'Allah, j'ai lu votre lettre aux gens de Bahreïn. Certains d'entre eux sont devenus musulmans, tandis que d'autres s'y sont refusés. Dans mon pays vivent des mages et des juifs, et par conséquent, je vous demande de m'informer du traitement devant leur être appliqué. Le prophète alayhi salatu wassalam lui répondit alors ceci. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. De Muhammad, messager d'Allah, à Al-Mundhir ibn Sa'wi. Que la paix soit sur vous. Je glorifie Allah en dehors de qui nul n'est digne d'être adoré, et je témoigne que Muhammad est son serviteur et messager. Je te rappelle Allah le Tout-Puissant. Celui qui accepte le conseil ne le fait qu'à son propre avantage. Quiconque obéit à mes émissaires et suit leur ordre me suit. En outre, quiconque agit selon leur conseil suit en vérité le mien. Mes émissaires ont fait ton éloge. J'ai agréé ton intercession en faveur de ton peuple. Laisse aux musulmans ce qu'ils possédaient lorsqu'ils sont venus à l'islam. Quant aux coupables, je leur pardonne. Pardonne-leur également. Sache que tant que tu agiras dans le bien, tu seras maintenu dans tes fonctions. Concernant les mages et les juifs qui souhaitent garder leur religion, ils devront acquitter la jizya, c'est-à-dire l'impôt dispensant du service militaire. La lettre au gouverneur d'Al-Yamama, Houza ibn Ali. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. De Muhammad, messager d'Allah, à Houza ibn Ali. Que la paix soit sur celui qui est sur la voie de la vraie guidance. Sachez que ma religion se répandra partout. Acceptez l'islam, vous serez sauf, et tout ce que vous possédez demeurera entre vos mains. Sulayt ibn Amr al-Amiri fut choisi pour porter ce message et il ramena en retour la réponse suivante pour le prophète alayhi salatu wassalam. La foi à laquelle vous m'invitez est excellente. Je suis un orateur et un poète renommé, les Arabes me respectent beaucoup. Si vous me concédez une partie du pouvoir qui est le vôtre, je vous suivrai. Le gouverneur accorda une récompense à Sulayt et lui offrit des vêtements. Sulayt remit ses présents au prophète alayhi salatu wassalam, lequel dit « S'il m'avait demandé un lopin de terre, je ne les lui aurais pas donné. Qu'il périsse et que périsse ce qu'il a entre ses mains, c'est-à-dire son pouvoir. » Au lendemain de la conquête de la Mecque, l'ange Gabriel Djibril alayhi salatu wassalam lui apprit la nouvelle de la mort de Houza. Le prophète sallallahu alayhi wasallam commenta ce décès en disant « Sachez que d'Al-Yamama surgira un imposteur qui se déclara être l'envoyé d'Allah et qui sera tué après mon décès. » Un des compagnons demanda « Ô envoyé d'Allah, qui le tuera ?» Le prophète sallallahu alayhi wasallam répondit « Ce sera toi et tes compagnons. » Et il en fut ainsi. La lettre au gouverneur de Damas, Al-Harith ibn Abi Shamir al-Rassani. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. De Muhammad, messager d'Allah, à Al-Harith ibn Abi Shamir. Que la paix soit sur celui qui suit la direction et y croit. Je vous invite à croire en Allah, l'unique, qui n'a pas d'associé. Ainsi pourrez-vous conserver votre royauté. Shuja' ibn Wahb eut l'honneur de porter cette lettre à Al-Harith. La lecture de cette missive provoqua sa colère et il s'exclama « Qui me dépossédera de ma royauté? Je m'en vais l'attaquer. » Et il rejeta de façon arrogante l'invitation du prophète alayhi salatu wassalam à entrer en islam. La lettre au roi d'Oman. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. De Muhammad ibn Abdillah à Jaifar et à Abd, tous deux fils d'Al-Julanda. Que la paix soit sur les bien guidés. Je vous appelle à l'islam. Soumettez-vous à Allah, vous serez saufs. Je suis le messager d'Allah envoyé à l'humanité entière afin de mettre en garde celui qui est vivant et que se justifie l'arrêt du destin sur les mécréants. Si vous adhérez à l'islam, vous garderez l'autorité sur votre pays. Mais si vous rejetez mon appel, alors votre royaume périra. Mes cavaliers s'empareront de vos terres et ma prophétie triomphera dans votre royaume. Amr ibn al-As, qui fut choisi pour délivrer ce message, rapporta l'anecdote suivante qui survint avant qu'il ne fût admis dans la cour de Jaifar. Quand j'arrivai à Oman, je contactai Abd, qui était réputé pour avoir un tempérament plus doux que son frère, et je me présentai ainsi. Je suis l'émissaire de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et je suis venu vous voir tous deux, toi et ton frère. Vous devez voir mon frère et lui lire la lettre dont vous êtes porteur. Il est mon suzerain et il est plus âgé que moi. Mais j'aimerais tout de même connaître l'objet de votre mission. Je viens vous appeler à croire en l'unicité d'Allah, sans associer, à abandonner toute autre divinité et attester que Muhammad est son serviteur et messager. Oh, Amr, vous êtes le fils du seigneur des Mekkois. Dites-moi donc quelle a été la réaction de votre père vis-à-vis de cette foi nouvelle. Vous savez, il est pour nous un exemple à imiter. La mort l'a surpris avant qu'il ne croie en la mission de Muhammad. J'aurais souhaité qu'il ait embrassé l'islam. Moi-même, je me suis comporté comme mon père jusqu'au jour où Allah me guida vers l'islam. Quand avez-vous embrassé l'islam ? Lorsque j'étais dans la cour du Négus. Je l'informai alors de la conversion à l'islam du Négus. Comment son peuple a-t-il réagi ? Ses sujets l'ont suivi dans cette voie. Et les évêques et les moines ? Ils ont fait de même. Amr, ne mentez pas, car le mensonge finit par être dévoilé. Je ne mens jamais. De plus, notre religion l'interdit. Héraclius, a-t-il été informé de l'entrée en islam du Négus ? Oui, bien sûr. Comment avez-vous été informé de cela ? Le Négus payait à Héraclius un tribut, mais lorsqu'il est entré en islam, il a juré qu'il ne le verserait plus jamais. Lorsque cette nouvelle parvint à Héraclius, son frère l'incita à organiser une expédition punitive contre le Négus, mais il refusa et ajouta qu'il se convertirait à l'islam s'il ne désirait pas à tout prix conserver sa royauté. Faites attention à ce que vous dites, ô Amr. Par Allah, je dis la vérité. À quoi votre prophète vous exhorte-t-il ? Il nous enjoint d'obéir à Allah le Tout-Puissant, d'être pieux et de respecter les liens de parenté. Il nous interdit l'injustice et l'agression, l'adultère, le vin, l'idolâtrie et la dévotion envers la croix. Que son message est noble. Je souhaite que mon frère me suive dans la croyance en Muhammad et embrasse l'islam, mais il tient trop à sa royauté pour accepter de devenir le subordonné de quelqu'un. Si votre frère accepte de suivre l'islam, le prophète, alayhi salatu wassalam, le laissera exercer son autorité sur son peuple et il le laissera prélever l'aumône légale, la zakat, sur les gens aisés afin qu'elle soit redistribuée aux nécessiteux. C'est une attitude équitable. Mais en quoi consiste cette aumône légale ? Il s'agit d'un ordre divin, stipulant qu'une partie des richesses des gens aisés soit collectée pour ensuite être répartie entre les pauvres. Lorsque Amr, énumérant les biens soumis à la zakat, parla des chameaux, Abd intervint. « Oh Amr, sera-t-elle également prélevée sur notre bétail ?»« Oui. » »« Je doute que notre peuple accepte cela. » Amr attendit pendant des jours avant d'être admis à la cour de Jaifar. Ce dernier lui demanda de lui remettre la lettre pour qu'il en prenne connaissance. Après cela, il s'enquit de la réaction des Quraychites. Amr répondit qu'ils avaient suivi le prophète, alayhi salatu wassalam, certains de leur plein gré et d'autres parce qu'ils avaient été vaincus. Les gens ont préféré l'islam aux autres croyances, prenant conscience qu'ils étaient avant l'islam dans l'égarement. Personne hormis toi n'a refusé d'adhérer à l'islam, et si tu ne te soumets pas à Allah, tu seras envahi. Accepte l'islam, tu seras sauf et maintenu dans tes fonctions. Jaifar demanda alors à Amr de revenir le jour suivant. Le lendemain, Jaifar refusa de recevoir Amr. Ce fut Abd qui l'introduisit auprès de lui. Jaifar dit « J'ai longuement réfléchi à la voie que tu me demandes de suivre, mais il faudrait que je sois le plus faible des Arabes pour en venir à céder à un autre homme ce qui est entre mes mains alors que ses chevaux n'ont pas foulé mon pays. Et quand bien même ces cavaliers m'atteindraient, ils rencontreraient une résistance plus ferme que celle qu'ils ont rencontrée jusqu'ici. » Mais lorsque son frère Abd vit que Amr allait s'en retourner auprès du prophète alayhi salatu wassalam, il discuta en privé avec Jaifar et réussit à le convaincre de suivre l'islam. Le lendemain, Jaifar et Abd embrassèrent l'islam. Amr fut chargé de l'administration de la justice et de la zakat. Les deux frères l'aidèrent par la suite contre les contradicteurs de l'islam. Le contexte de cette histoire révèle que cette lettre fut envoyée bien après les autres missives, probablement après la conquête de la Mecque en l'an 8 de l'Hégire. Par le biais de toutes ces lettres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parvint à communiquer son message à la plupart des monarques de cette époque. Certains acceptèrent l'islam, tandis que d'autres le rejetèrent, persistant dans leur incroyance. Toutefois, l'islam et son prophète alayhi salatu wassalam ne cessèrent depuis d'occuper l'esprit de ces derniers.